La pensée, si vous considérez que la pensée vient de quelque part, puis que vous êtes un réceptacle de la pensée, votre rapport à la pensée va changer. Ça ne sera plus pareil. C'est-à-dire que vous allez le voir, ça. Puis ça, c'est des choses que vous pouvez essayer concrètement. Concrètement. Comme vous pouvez avoir eu dans l'enfance des gens qui vous ont dénigré. Ça s'est enregistré dans votre mémoire, dans l'âme, puis c'est lié aussi à votre estime de vous-même, l'image que vous avez de vous. Puis quand vous n'allez pas bien, y a des patterns qui vont être portés à se répéter. Si vous commencez à dealer avec ça comme quelque chose de subjectif qui ne vient pas de vous, puis qui est circonstanciel, votre rapport à vous-même, à vos propres pensées va changer. Puis ça, c'est concret, ça peut être expérimenté. N'importe qui a la capacité, qui est doté de raison, qui est capable d'analyser ses pensées, d'avoir un processus mental, puis d'expérimenter avec, peut se rendre compte de ça. C'est pour ça que, des fois, en séminaire, Bernard, il prenait le monde à part, puis en jasant avec eux, il le faisait réaliser que ce qu'il disait venait pas d'eux, ce qu'ils pensaient venait pas d'eux, dans le sens que c'était pas leur personnalité réelle, qu'elle est en suspens, qu'elle s'était jamais développée. C'est encore plus flagrant avec des gens, par exemple, qui sont persuadés d'être habités par des guides ou des entités. C'est encore plus flagrant. Parce que là, on peut parler avec l'entité. C'est comme s'il y a des schizophrènes, des fois, là. Puis ils parlent tout seuls, puis vous leur dites Hey, j'aimerais ça parler avec ceux avec qui tu parles. Puis là, vous pouvez aller, il va servir comme, si on peut dire, de médium, d'intermédiaire avec son interlocuteur. Puis vous allez pouvoir le défaire, l'interlocuteur, ouais, mais là, ça peut être dangereux. Mais il reste que. C'est drôle que les psychiatres n'ont jamais envisagé cette. De parler avec ces enfants. Non, ils identifient ça comme des symptômes de délire, puis non, vous pouvez parler. Il y a moyen de s'entretenir avec. Si vous considérez que les gens schizophrènes qui pensent être en contact avec des extraterrestres ou avec des démons, puis tout, si vous prenez l'idée que ces gens-là sont en contact avec une forme d'entitisation qu'eux nourrissent, puis que vous demandez aux schizophrènes, aux psychotiques, de servir d'intermédiaire pour vous entretenir avec ces êtres-là, entre guillemets, leur prêter une vie, le temps de l'expérience, vous allez vous rendre compte de phénomènes très étranges. Et c'est très inattendu, ce qui peut arriver. Mais là, je ne suis pas en train de vous dire de vous lancer dans de l'expérimentation comme ça parce que ça peut être très dangereux.